Chapitre 12, paragraphe 1. La quantité de matière. La moule. La moule. Exercice. La moule. Sachant qu'il faut une moule de sang pour en avoir une bien dure. Combien faut-il de sang pour avoir une demi-molle ? Demi-molle ! Le papier millimétré est autorisé et la calculatrice est prohibée. Vous avez 2 heures.